Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juillet, nous souhaitons une bonne fête au Benoît, ça vient du latin signifiant béni. Quelle personnalité attachante possède Benoît, tout en délicatesse, sensibilité, émotivité et intuition. C'est un cœur tendre doté d'une grande timidité qui tente à faire disparaître son ego au profit des autres. Imaginatif, ses rêveries sont à la hauteur de son maître nombre 11 et vont dans le sens de l'altruisme, de l'innovation et de l'utopie. Don Quichotte est son père spirituel. Mais entre les fantasmes et la réalité, il y a un fossé que Benoît n'est pas toujours capable de franchir. Et c'est alors le 2 octave inférieur qui sera vécu sur un mode passif, nonchalant, voire paresseux, certes coopératif, mais relativement dépendant des autres. Attention également que face aux dures réalités de la vie, il ne se réfugie pas dans les paradis artificiels. Une telle âme généreuse est rare. Aussi est-il apprécié pour sa disponibilité, sa serviabilité et son sens de l'amitié. Dicton du jour, on en a plusieurs, on commence avec celui-ci, rosé du jour de Saint-Benoît et rosé de vin si tu m'en crois. Pour Saint-Benoît, le coucou chante aux beaux endroits. Ou encore, s'il pleut le jour de Saint-Benoît, il pleuvra 37 jours plus 3. Bon alors, espérons qu'avec la météo qu'ils annoncent aujourd'hui, ce dicton ne soit pas tout à fait vrai. On en parle plus tard. Célébration internationale aujourd'hui, journée mondiale de la population. Et en Belgique, en Flandre, c'est la fête de la communauté flamande. Pas d'événements marquants qui se sont déroulés à 11 juillet. On passe donc tout de suite à notre première pause musicale avec le groupe Bon Jovi et leur titre « Always ». Can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. Different lives, something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, with those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always, le titre de Bon Jovi sur RGM. Il est presque 8h38, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 11 juillet 1934, naissance de Giorgio Armani, styliste italien. 1943, naissance de Tom Holland, réalisateur américain à qui l'on doit Vampire, vous avez dit Vampire ou encore Jeu d'enfant. 1950, naissance de Bruce McGill, acteur américain vu dans Ali, Collateral, W, l'improbable président dans le rôle de George Tenet, Lincoln dans le rôle d'Edwin Stanton. Entre 85 et 92, on l'a vu dans la série télé MacGyver dans le rôle de Jack Dalton, vu dans Rizzoli and Isle dans le rôle de Vince Corsack, The Good Wife, Blue Bloods, NCIS Enquête Spéciale ou encore Suits. 1951, naissance de Bonnie Pointer, chanteuse américaine qui fut membre des Pointer Sisters de 1969 à 1977. Elle a donc chanté sur le titre Yes We Can Ken, dont on écoute tout de suite un petit extrait. With one another, we got to iron out our problems and iron out our quarrels and try to live as brothers and try to find peace within without stepping on one another. And do respect the women of the world. Remember, you all had mothers. We gotta make this land better land in the world in which we live. And we gotta help each man be a better man with the kindness that we give. I know that we can. I know darn well we can work it out. Yes, we can. No, we can, can. Yes, we can, can. Or why can't we if we want it? Yes, we can, can. I know we can make it work. I know we can make it if we try. Yes, we can. I know we can, can. Yes, we can. Voilà pour l'extrait des Pointer Sisters. On reste en 51 avec la naissance d'Evelyne Leclerc, qui fut speakerine, animatrice télé et également actrice française. 1955, naissance de Titouan Lamazou, qui fut navigateur français, qui a remporté le premier Vendée Globe en 90 et qui fut champion du monde de course au large en 91. 1956, naissance de Robin Renucci, acteur français vu dans Les Misérables de Robert Hossein dans le rôle de Courfeyrac, Arsène Lupin, L'Ivresse du pouvoir, Les Femmes de l'ombre ou encore la série télé Un village français dans le rôle de Daniel Larcher. C'est également l'année de naissance de Cella Ward, actrice productrice américaine vue dans En eau trouble, Dirty Dancing 2, Le jour d'après, Cosgars dans le rôle d'Hélène Rondal, Independence Day, Résurgence dans le rôle de la présidente des États-Unis Elizabeth Lanford, vue également dans la série Dr House dans le rôle de Stacey Warner ou encore Les Experts Manhattan dans le rôle de Joe Donville. 1959, naissance de Richie Sambora, musicien américain, guitariste du groupe Bon Jovi entre 1983 et 2013. C'est également l'année de naissance de Tobias Moretti, acteur autrichien connu pour son interprétation du premier commissaire Richard Moser dans la série Rex Chien Flic. C'est également l'année de naissance de Suzanne Vega, chanteuse américaine. 1972, naissance de Michael Rosenbaum, acteur américain, vieux cinéma dans Urban Legend ou encore Les Gardiens de la Galaxie 2, mais surtout connu pour son rôle de Lex Luthor dans la série télé Smallville. 1983, naissance de Peter Ciccone, chanteur américain. 1984, naissance de Raquel Taylor, actrice australienne, vue dans Transformers dans le rôle de Maggie Madsen, vue à la télévision dans Grey's Anatomy ou encore dans la série Jessica Jones dans le rôle de Trish Walker, alias Patsy. 1986, naissance de Johan Gourcuff, ancien footballeur français ayant fait carrière de 2003 à janvier 2019 en jouant au Stade Rennais, au Milan AC, à Bordeaux, à Lyon, au Stade Rennais. Et enfin, il a terminé sa carrière en jouant à Dijon. 1990, naissance de Caroline Wozniacki, joueuse de tennis danoise, professionnelle depuis 2005, qui a été numéro 1 mondiale le 11 octobre 2010, et ce, pendant 67 semaines. Elle a gagné une fois l'Open d'Australie, elle a été deux fois finaliste à l'US Open, quart de finaliste à Roland-Garros et huitième de finaliste à Wimbledon. Et en 1937, décédé George Gershwin, compositeur américain. Tout de suite, on s'écoute Suzanne Vega avec son titre Tom's Dinner. The day. the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice. C'était Suzanne Vega avec son titre Tom's Dinner sur le 107FM. Quelle heure est-il ? Un peu plus de 8h46, on fait tout de suite un point sur la météo. La météo. Bon alors aujourd'hui, on va pas se mentir, ça va pas être folichon, hein. On va passer la journée sous les nuages, avec même de la pluie prévue au programme, des températures qui restent somme toute agréables, hein, entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 21 et 23 degrés prévus pour cet après-midi. Pour vendredi, ce sera encore des nuages, mais avec le retour du soleil, des températures comprises entre 14 et 15 degrés demain matin, entre 24 et 25 degrés pour demain après-midi. Samedi sera une journée mitigée, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin et entre 21 et 23 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on fait un gros point sur le Tour de France qui est du côté de chez nous. Hier, c'était la cinquième étape entre Saint-Dié et Colmar. Arrivée au sprint remportée par Peter Sagan qui remporte ainsi sa première victoire sur le Tour de France 2019, mais sa 12e victoire en tout sur le Tour de France. Le premier français, c'est Simon qui s'est classé 6e et a noté la belle 10e place de Julien Alaphilippe qui garde ainsi son très beau maillot jaune. Donc on pourra encore le voir aujourd'hui, hein, passer un petit peu dans les Vosges avec ce maillot distinctif sur les épaules. D'ailleurs, autre maillot distinctif, le maillot vert de meilleur sprinter toujours sur les épaules de Peter Sagan, le maillot à poids de la montagne sur les épaules de Tim Whelan, ça ne change pas, le maillot jaune, le maillot blanc de jeune sur les épaules de Van Aert. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement dans ces maillots. Aujourd'hui, sixième étape entre Mulhouse et la planche des belles filles. Alors là, ça y est, c'est la montagne, 160,5 km à parcourir. Un point sur les sprints et les difficultés de cette étape. Il y aura un sprint au kilomètre 29. Au kilomètre 43,5, il faudra gravir le Markstein. Rien que ça, classé première catégorie. À 50,5 km, ce sera le Grand Ballon, troisième catégorie. Au kilomètre 74, le col de Hunsrück, deuxième catégorie. Au kilomètre 105, le Ballon d'Alsace, première catégorie. Au kilomètre 123,5, le col des Croix, troisième catégorie. Au kilomètre 141,5, le col des Chevrères, deuxième catégorie. Mais attention, ça va faire mal, comme l'a d'ailleurs déclaré Julien Alaphilippe. Et enfin, l'arrivée à la planche des belles filles, première catégorie. Un petit passage dans les Vosges, à Saint-Maurice-sur-Moselle, à Fraisse-sur-Moselle ou encore à Le Tillot. Et donc voilà, à l'arrivée de la planche des belles filles où Thibaut Pinot espère briller. Je vous rappelle que c'est chez lui que ça se passe aujourd'hui. Et pourquoi pas essayer de voir encore aux avant-postes Julien Alaphilippe pour garder encore une journée de plus ce très beau maillot jaune sur les épaules. Voilà pour le Tour de France. On parle maintenant rugby féminin avec les super séries. Et malheureusement, la France s'est inclinée hier soir face à l'Angleterre 20-18. On termine avec le tennis et Wimbledon. Les trois premiers joueurs mondiaux sont qualifiés pour la suite à Wimbledon. Djokovic s'est qualifié en 3-7 face à Goffin, 6-4, 6-0, 6-2. Federer s'est qualifié en 4-7 face à Nishikori, 4-6, 6-1, 6-4, 6-4. Nadal s'est qualifié en 3-7 face à Sam Querrey, 7-5, 6-2, 6-2. Le choc Nadal-Federer aura donc bien lieu en demi-finale. Et le seul intrus, comme il est appelé dans ce dernier carré, c'est Bautista Agut qui s'est qualifié en 4-7 face à Peya, 7-5, 6-4, 3-6, 6-3. A noter qu'en double mixte, Andy Murray et Serena Williams ont été éliminées de 7-1 en huitième de finale. Aujourd'hui, c'est double messieurs pour Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin qui affronteront la paire Dodig Polasek. Et côté féminin, aujourd'hui, Alep affrontera Svitolina et Serena Williams sera opposée à Strikova. Et à noter que la demi-finale du double féminin pour Kristina Mladenovic aura lieu demain. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Peter Chikonti et le titre Goodbye Philadelphia. Just like Philadelphia, freedom means a lot to me. In between the place I've been and where I'm going, I can see America trying not to show her age, even though the winds of change keep on blowing. And I would lay your body down, rock your tears away, but it's much too late for now. Remember Philadelphia, when the world was young and warm, so in love and living for everything new. but I know Philadelphia. The winter winds will slowly take your heart and soul until it makes nothing of you. And I would lay your body down and rock your tears away, but it's much too late for now to be like yesterday. Sign, take a bow, though we may not know it now, things are never gonna be the same. Here on 7th Avenue, I tip my old top hat to you. I hope you find somebody who will love you like. Goodbye Philadelphia, Peter Chiconti sur RGM. Il est un peu plus de 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous. À 11h, Les Oreilles du Monde. À 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. Ensuite, à 20h, Memento Mori. 23h, Rock à la Casbah. Minuit, La Cristoire du Cinéma. Et nous, on se retrouve demain matin. Excellente journée à tous. Bye bye.